L'ermite de Alcool de Guillaume Apollinaire. Enregistré pour LibriVox.org. À Félix Fénéon. Un ermite déchaud, près d'un crâne blanchi, cria: Je vous maudis, martyr et détresse. Trop de tentations, malgré moi, me caressent. Tentations de lune et de logomachie. Trop d'étoiles s'enfuient quand je dis mes prières. Au chef de morte, au vieil ivoire, orbite trou, des narines rongées, j'ai faim, mes cris sans roue. Voici donc pour mon jeûne un morceau de gruyère. Ô Seigneur, flagellez les nuées du coucher qui vous tendent au ciel de si jolies culs roses, et c'est le soir. Les fleurs de jour déjà se closent, et les souris, dans l'ombre, incantent les planchers. Les humains savent tant de jeux l'amour, l'amour, l'amour jeu des nombrils ou jeu de la grande voix, l'amour jeu du nombre illusoire des doigts. Seigneur, faites Seigneur qu'un jour je m'enamoure. J'attends celle qui me tendra ses doigts menus. Combien de signes blancs aux ongles les paraissent, les mensonges pourtant, j'attends qu'elle les dresse. Ses mains énamourées devant moi l'inconnu. Seigneur, que t'ai-je fait? Vois, je suis unicorne. Pourtant, malgré son bel effroi concupiscent, comme un poupon chéri, mon sexe est innocent, d'être ainsi seul et debout comme une borne. Seigneur le Christ est nu, jetez sur lui la robe sans couture, éteignez les ardeurs au puits, vont se noyer tant de tintements d'heures, qu'en isochrone choix des gouttes d'eau de pluie. J'ai veillé 30 nuits sous les lauriers roses. As-tu sué du sang? Christ, dans Gethsémani crucifié, réponde. Dis non, moi je le nie. Car j'ai trop espéré en vain l'hématite rose. J'écoutais à genoux toquer les battements du cœur, le sang roulait toujours en ses artères, qui sont de vieux coraux ou qui sont des clavers, et mon aorte était avare éperdument. Une goutte tomba, sueur, et sa couleur, lueur, le sang si rouge, et j'ai ri des damnés. Puis, enfin, j'ai compris que je saignais du nez à cause des parfums violents de mes fleurs. Et j'ai ri du vieil ange qui n'est point venu, de vol très indolent, me tendre un beau calice. J'ai ri de l'aile grise et j'ôte mon cilice, tissé de crins soyeux par de cruels canuts. Vertouchou, riotant des vulves des papesses, de sainte et sans téton, j'irai vers les cités, et peut-être y mourir pour ma virginité, parmi les mains, les peaux, les mots et les promesses. Malgré les autins bleus, je me dresse divin, comme un rayon de lune adoré par la mer. En vain, j'ai supplié tous les saints et mères, aucun n'a consacré mes doux pains sans levain. Et je marche. Je fuis, ô nuit, Lilith ulule, et clame vainement, et je vois de grands yeux s'ouvrir tragiquement. Ô nuit, je vois tes cieux s'étoiler calmement de splendides pilules, un squelette de reine innocente et pendue à un long fil d'étoiles en désespoir sévère. La nuit, les bois sont noirs et se meurt l'espoir vert, quand meurt le jour avec une râle inentendue. Et je marche, je fuis. Ô jour, les mois de l'aube, ferme à le regard fixe et doux de vieux rubis, des hiboux, et voici le regard des brebis et des truies aux têtes en rose comme des lobes. Des corbeaux éployés comme des tils de fond, une ombre vaine aux pauvres champs de seigle mûr, non loin des bourgs où des chaumières sont impures, d'avoir des hiboux morts cloués à leur plafond. Mes kilomètres longs, mes tristesses plénières, les squelettes de doigts terminant les sapins, ont égaré ma route et mes rêves poupins souvent, et j'ai dormi au sol des sapinières. Enfin, au soir pâmé, au bout de mes chemins, la ville m'a paru très grave au son des cloches, et ma luxure meurt à présent que j'approche. En entrant, j'ai béni les foules de deux mains. Cité, j'ai ri de tes palais, tels que des truffes blanches au sol fouillé des clairières bleues. Or, mes désirs s'en vont, tous à la queue leu-leu. Ma migraine pieuse a coiffé sa cucuf. Car toutes sont venues m'avouer leurs péchés. Et Seigneur, je suis saint, par le vœu des amantes. Zélotide et Laurie-Louise et Diamante ont dit, tu peux savoir au toit l'effarouché. Ermite, absous nos fautes jamais vénielles, au toit le pur et le contrit que nous aimons. Sache nos cœurs, cache les jeux que nous aimons, et nos baisers quintessentiés comme du miel. Et j'absous les aveux pourpres comme leur sang, des poétesses nues, des fées, des fornarines, aucun pauvre désir ne gonfle ma poitrine. Lorsque je vois le soir les couples s'enlaçant, quand je ne veux plus rien, sinon laisser se clore, mes yeux couples lassés aux vergers pantelants, pleins de râles pompeux, des grosseillers cinglants, et de la sainte cruauté des passifleurs. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.